gay au gay. J'ai à peine 20 ans et j'ai déjà mon humeur. C'est celui de mes parents et je suis de bonne humeur. Ils sont en Kansas, en Californie. Moi je pose mon flow sur mon R&B. Mais qu'est-ce que je kiffe ma life comme ça. On me dit qu'il y a des pauvres, mais moi je ne les vois pas. Moi j'ai de la thune, je suis jamais sur la paille. J'ai une garde-robe et j'impose mon style. Tous les quarts d'heure, oui, je dois me changer. Je sais que comme ça, j'impose le respect. Oh baby, I love me. Qu'est-ce que je me donne envie. Oh baby, I love me. Je me kiffe, c'est de la folie. Oh gay, oh gay. J'invite mes refrains. Il y a quelques renois. East Coast, West Coast, hip-hop et gangsta. Y'en a un ici que je vais laisser chanter. Je suis très gentil et il me l'a demandé. Le reggaeton tonne sur le boom boom bastique. Afré afré baston, boom bacon est fantastique. Boom ballet, boom man man do. Nado librana soma boom platan sona la mégane rastaman. Je sais qu'on comprend pas tout ce qu'il veut dire. Moi je fais profil bas, non, je ne veux pas mourir. Oh baby, I love me. Je vous kiffe beaucoup aussi. Oh baby, I love you. Je veux pas prendre des coups. J'ai une grande villa et aussi une piscine. Je fais des reçois et j'invite des copines. Tenue exigée, string et maillot de bain. Elles disent rien quand je mets mes mains sur leur sein. Ce sont des bimbos qui travaillent dans le porno. Pas des intellos qui travaillent en hôpitaux. Elles y vont souvent pour se refaire faire les lolos. Entre nous, elles ont un QI de bicorneau. Si je les fréquente, c'est pas pour leur QI. Je préfère les plans cul qui durent toute la nuit. Oh baby, I love you. J'suis ton bad boy, j'vaux le coup. Oh baby, tu me rends. Membré comme un gnou. Oh baby, I love you. J'suis ton bad boy, j'vaux le coup. Oh baby.